J'ai l'assurance de mon salut. Car si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Sans un mal à salut, il est puissant, il m'a consolé, puissant, il est puissant, Jésus m'a